Votre jour mental cinéma, moi contre mon bouton et les mamas. Les femmes déclarations, les dîmes chérie, moi rêvé en pile. Moi parle de pinocchio, moi tombé, tombé, quand vous me la fièvre. La tante pour me sabal, repense, mais quand vous devant le temps, combien quelqu'un. Les bandes, c'est 50 centimes pour le camionnette, pour le monter café. Moi voyez, j'ai tout bateau, moi fais de tout, mais pas tenté. Mama.